We can't stop because we don't stop. That's it, team motherfuckers. Zaku Music, GLBRI MAM, Nigo, 2GO, GAS, bro. Ça se passe entre nous, Alzheimer entre nous. On n'oublie le beau temps passé. Entre nous, on s'est fait clasher. GAS, studio, au top du sommet placé. Véritas oblige, donc des punchlines bien placés. Ça se passe entre nous, Alzheimer entre nous. On n'oublie le beau temps passé. Entre nous, on s'est fait clasher. GAS, studio, au top du sommet placé. Véritas oblige, donc des punchlines bien placés. Ton rap, c'est de la merde. DAB, tu fais la peine. Ta gueule me fait rire quand tu champignes à Caris. Booty, Mouti, Tinel, Bidi. On baisse, on sort, c'est reparti. Tu rap pour les vrais gays aussi pour tes bébés. Bacos, Nigo, tu crois le best, mais ça reste la vérité. Si t'avais le prix Nobel, ce serait celui de la mochelle. Never I go quoi? Never I go quoi? Boula, tu me saoules avec ça. Do you know my name? Do you know my name? Sinon elle n'y vit ni connue. Aussi rare que ta beauté dans les avenues. Ton rap c'est un succès, je te dire sans blaguer. Mais si tu penses à comme un compliment, va te faire baiser. Ça se passe entre nous, Alzheimer entre nous. On oublie le beau temps passé. Entre nous on s'est fait clasher. GAS, studio, au top du sommet placé. Veritas oblige, donc des punchlines bien placées. Ça se passe entre nous, Alzheimer entre nous. On oublie le beau temps passé. Entre nous on s'est fait clasher. GAS, studio, au top du sommet placé. Veritas oblige, donc des punchlines bien placées. M.A.M. veut me clasher. Que PD je vais fumer. Rap comme F.A. Baby, non. T'as sa beauté. Back to Sligo, M.A.M. Bande de PD. Grosse tête, grosse fesse, qui de la petite mytho. Pompe de main toujours propre, Japon et les Kitro. Je suis vulgaire, faux de grammaire, sirop des grosses mamais. Never ego lego. Qui se croit la mosquée, ce petit bâtard, il va se faire fumer. Somme comme ton teint comme ton esprit. Espèce de babouin, y'a que moi que tu pries. Devant toi y'a personne, car on te chauffe, on le vrai. Point Sam, tu peux j'adore à la nuit. Ça se passe entre nous, Alzheimer entre nous. On oublie le beau temps passé. Entre nous on s'est fait clasher. GAS, studio, au top du sommet placé. Veritas oblige, donc des punchlines bien placées. Ça se passe entre nous, Alzheimer entre nous. On oublie le beau temps passé. Entre nous on s'est fait clasher. GAS, studio, au top du sommet placé. Veritas oblige, donc des punchlines bien placées. C'est les cas, t'as pas tes papiers, donc va chercher tes ciseaux. Car ils sont dans un bed, sont sous un très gros marteau. Mytho, t'as pas le rap dans le sang, car t'as remplacé ta perfusion par une grosse queue. Ouf, quoi t'es déjà paumé. T'as donné ton UKMAM pour que tu puisses l'aide gommer. Gucci, Louis, arrête de sucer Fouini. Feeling à Caris, non tu veux sucer son kiki. Coché à sa bite, négro t'aimes bien le sucer. Mister Organ et ses orgasmes vont se faire fumer. Double M, a.k.a. Elongi Loco Lalicata. Change de feeling, change de pique, car tu te fais baiser en acapella. Caméléon, change putain, tu statais du slip à Shkira. Tais-toi le PD, mes punch